empêcher le travail, vision même faire passe à dormir. Et dans toute vie qui sous la terre, qu'on est, c'est où seul l'ouest devant yeux, pas goûter conseils amis, parce que non pas jamais. Longtemps, longtemps songer, longtemps, longtemps l'homme t'est aimé. Pas qu'on gagne problème, ça yo. C'est tripotage, mauvais ami, cap marché, palais, laissez yo, yo, palais. Aïe, aïe, aïe. Là. Amour empêche le travail, vision même faire pas à dormir. Et dans toute vie qui sous la terre, on est, c'est où seul l'ouest devant yeux, pas goûter conseils amis, parce que nous pas chanter. Oh, longtemps, longtemps songer, longtemps, longtemps, longtemps le terre. Pas qu'on gagne problème, ça yo. Tripotage, mauvais ami, cap marché palais. Eh bien, laissez-y au palais tout bonnement, quoi. Yeah. moi ça.